Et ceci sera une des grandes manifestations de l'homme nouveau. Il sera libre, mais équilibré, et pourra vivre en équilibre avec le social, mais il ne sera plus assujetti à la botte du social. Et la raison, c'est qu'il développera des possibilités créatives très grandes et de plus en plus différentes de ce que nous avons connu dans le passé, parce que l'infrastructure psychologique de son mental sera altérée. Vous changez le mental de l'homme et automatiquement, il ne fonctionne plus de la même façon. Le problème de l'homme aujourd'hui dans la société moderne, c'est que son mental est tellement appauvri à cause de la pression sociale qui existe, qu'il n'a plus de souffle. Il n'a même plus la capacité de penser comment vivre sa vie d'une autre façon. Il a la crainte de changer sa façon de vivre. Regardez le phénomène de la carrière. La carrière, c'est un phénomène moderne. C'est un phénomène du 20e siècle, la carrière. On parle de carrière. Et pour certains hommes, la carrière, c'est une vraie carrière. Ils sont condamnés aux travaux forcés. Oui. Il y a des hommes qui sont prisonniers de leur carrière. Vous vous imaginez quand vous travaillez pendant 25 ans dans une compagnie, vous avez 45 ans, que vous n'avez pas suffisante intelligence créative pour créer une nouvelle condition de vie et que la compagnie ferme ses portes parce qu'elle est située à Saint-Lin et que c'est un petit village. À côté de Saint-Éloigné. Oui, à côté de Saint-Éloigné. Que la famille, elle est toute là. Quand on est jeune, on a beaucoup d'élasticité. Quand on arrive à un certain âge, on en a moins. Et si on s'en conscientise à un certain âge, il faut être très, très, très présent et réellement apprendre à conserver et à faire fructifier ce que l'on a. Si on spiritualise ce que l'on a, on le perdra. J'aimerais ça que vous nous parliez du travail encore. Le travail. Le travail, c'est très important. Pour l'homme, le travail est très important parce qu'il lui permet temporairement, pendant les heures de travail, de ne pas être assujetti à la pression que crée en lui les forces à travers son mental dénué de lucidité. Les anciens disaient « l'oisivité, ce n'est pas bon ». C'est la même chose. Et plus l'homme se conscientise, plus le travail est important, et plus il se conscientise, plus il est dur. Parce que quand l'homme se conscientise et qu'il travaille dans une boîte, et qu'il voit de plus en plus tous les aspects inférieurs de conscience de la boîte, ça prend énormément de force intérieure, de lucidité, de volonté, de caractère pour continuer à travailler dans la boîte jusqu'au moment où il pourra changer de boîte pour éventuellement s'ouvrir sa propre boîte. Mais s'il laisse son travail parce qu'il se trouve trop dur de travailler dans une boîte avec des gens qu'il considère inconscients, il se verra énormément déficient dans les mois à venir, dans les années à venir, il se verra dans une situation très difficile et il réalisera qu'il n'avait pas la volonté de développer une résistance contre les vibrations inférieures de ceux qui travaillent avec lui dans la boîte. Il faut être solide pour se conscientiser. D'ailleurs, ceux qui se conscientiseront et qui passeront, quand je parle de conscientiser, je ne parle pas de personnes qui fraternisent avec la conscience. Je parle de ceux qui vont dans la conscience. Ces hommes-là devront être forts et vous verrez, vous réaliserez quand vous les rencontrerez qu'ils sont forts. Il y a de la force. Ils n'est pas ajusté, mais ils sont forts. Ils sont solides. Et l'homme nouveau sera solide, il sera comme un Gibraltar. Il ne sera pas faible, il ne sera pas emmuré dans une sorte de onctuosité spirituo-philosophique, ésotérique. Il sera solide, il sera comme un pieu. L'homme nouveau est réellement un chevalier. Et il marquera l'histoire. Parce que sa conscience chevaleresque sera tellement éclatante dans un milieu barbare qu'il ne pourra pas passer inaperçu. C'est un nouvel âge que nous entrons, et nous le verrons au 21e siècle. C'est définitivement un nouvel âge qui verra la fracturation de toutes nos idées, qui verra la division de nos polarités et qui verra la confrontation tous les niveaux les plus subtils, les plus obscurs de ce que nous appelons le bien et le mal, le beau et le bon et le mauvais. Et l'homme devra être au-dessus de ça pour ne pas être frappé, taché, affecté émotivement par l'impuissance des hommes. L'être supramental, c'est un être neuf. Il n'a jamais existé sur la terre. Il existera sur la terre. Et il sera amené à la conscience par ses propres forces. Il ne sera pas amené à la conscience à cause d'une relation horizontale avec des sociétés humaines. Ce sera des forces en lui qui travailleront et qui éventuellement fusionneront avec lui jusqu'à ce qu'il soit parfaitement intégré et qu'il reprenne le contrôle de sa destinée. L'homme doit prendre le contrôle de sa destinée. Et prendre le contrôle de sa destinée, c'est être capable de voir ce que nous ferons dans 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans. Quand l'homme sait ce qu'il fera dans 40 ans, vous pouvez dire qu'il prend le contrôle de sa destinée. Mais si l'homme sort de l'autel et qu'une brique lui tombe sur la tête, il n'est pas conscient. Donc, dans le domaine de la conscientisation, dans le domaine de l'homme nouveau, dans le domaine de tout ceci, moi je déteste des mots. Le mot conscience me fait frémir, tous les mots, moi, je déteste les mots. Mais en tout cas, je dois les employer pour parler. Mais je sais une chose, que dans mon travail livresque, où maintenant je suis en train de pénétrer de plus en plus dans le domaine insolite de l'intelligence, je m'aperçois que l'homme seul a le pouvoir de savoir et qu'il ne peut pas savoir autrement que par lui-même. Et au fur et à mesure que l'homme grandira et qu'il parlera, qu'il écrira, qu'il fera des choses dans tel domaine ou tel domaine, il s'apercevra que la relation entre la science et la conscience est une relation occulte et n'est plus une relation intellectuelle. Et ceux qui entreront dans ce cercle, qui feront partie de cette relation entre la science et l'homme et l'intelligence, seront tellement avancés en science qu'ils seront obligés de se cacher de la face du monde et d'exprimer dans le monde de la matière la science à partir des fondements des montagnes et à l'intérieur des mers. Ils ne pourront pas œuvrer dans les hautes citadelles des organisations monopolistiques que nous trouvons dans les villes ou que nous retrouvons dans les universités ou dans les encampements des différentes sociétés scientifiques qui essaient de faire éclater les secrets de la matière. Je sais que l'homme nouveau ne vivra pas conjointement de façon parallèle avec l'homme ancien, qu'il aura une très grande influence dans le monde à travers des mécanismes qui lui seront propres, qui feront partie de l'évolution de sa conscience, et que sa science sera totalement extraterrestre dans ce sens qu'elle sera absolument le produit d'une invasion sur le plan matériel de toutes les lois de la science mécaniste que nous connaissons. Tout sera renversé. L'antimatière sera comprise, les lois de la vitalité seront comprises, le cellulaire sera transmuté en métaglobules, et lorsque le cellulaire sera transformé en métaglobules, l'homme sera capable de créer des modèles qui serviront à l'actualisation dans ces centres de recherche de formes de robots qui seront extrêmement avancés, qui répondront télépathiquement à la volonté de l'homme et qui serviront à manier des substances dangereuses d'une radioactivité qui sera découverte dans ce temps-là. La science sera totalement nouvelle et l'homme, tel que nous le connaissons aujourd'hui, sur le plan de sa civilisation, de sa science, de ses races, de ses cultures, ne sera plus le même. Mais l'homme nouveau ne pourra pas coexister avec l'homme ancien. Il y aura une séparation. L'homme ancien va par là, l'homme nouveau ira par là. Et ceux qui seront frappés de cette énergie, qui vivront de cette énergie parce que ce sera le temps dans leur plan de vie de vivre, de connaître cette énergie, naturellement, de façon très naturelle, iront là dans le monde où ils doivent aller pour rencontrer et travailler avec ceux qui font partie des pères du gouvernement invisible. Parce que le gouvernement invisible sera le gouvernement qui surveillera le gouvernement mondial. Le gouvernement mondial sera la structure ouverte. Le gouvernement invisible sera la structure interne et occulte. Et ceux qui feront partie de ce gouvernement invisible utiliseront des moyens qui sont totalement occultes pour travailler en relation avec l'évolution de l'humanité afin d'amener l'humanité dans toutes ses races et toutes ses nations au cours des 2500 prochaines années à un niveau de conscience supérieur pour que l'homme, rendu à l'âge de la septième race racine, puisse commencer lentement à se séparer de son corps matériel, à ne plus avoir besoin de son corps matériel pour que la planète, à la fin de cette période qui durera pas très longtemps, peut-être 150 ans, soit libérée complètement du fardeau de la conscience humaine, ce qui permettra à ce moment-là l'évolution d'une autre conscience dont je ne peux pas parler aujourd'hui, mais que j'expliquerai plus tard, probablement dans d'autres conférences. Nous devons considérer le cosmos comme un genre de phénomène de télescopie, et plus l'homme entrera dans l'intelligence, plus il verra que ce que nous appelons aujourd'hui de l'intelligence, ce n'est pas de l'intelligence, ce n'est simplement qu'une forme de myopie nous permettant de vivre consciemment une opinion de nous-mêmes. En attendant, vous continuez à donner votre instruction au Québec et à donner des séminaires de façon régulière. Oui, en attendant, je continue. D'une façon fatiguée, lasse un peu, mais je continue. Parce que quand je parle, je m'énergise. C'est quand j'arrête de parler que je me couche. Mais quand je me parle, je m'énergise et je peux parler longtemps. Mais vient un temps dans la vie de l'homme où il doit ajuster sa vie à d'autres choses. Je ne peux pas constamment donner des séminaires et constamment être dans le public. Il faut qu'il y ait d'autres personnes éventuellement qui prennent la relève, qui continuent ce que moi j'ai commencé. Et lorsque ceci sera fait, à ce moment-là, moi je pourrai relâcher de ce que je fais, sachant que ce que je devais commencer est commencé, et je pourrai aller à d'autres choses. Mais nous ne devons pas nous décourager parce que nous vivons dans une province qui est marquée. Le Québec, c'est une province marquée, c'est une région marquée du globe. Et elle est très marquée, elle est profondément marquée. Et sa marque est grande. C'est pour ça que nous avons une certaine liberté dans cette province de parler de choses qui, dans le passé, n'étaient véhiculées que par certains cercles ou certaines écoles, et que nous sommes aussi capables d'aller au-delà de ce qui, dans le passé, avait été véhiculé pour réellement amener l'homme à se confronter à lui-même. La raison souvent pour laquelle je parle de certaines façons ou que je crée certaines impressions dans le mental, c'est pour amener l'homme à se réveiller et à réaliser qu'il est en potentiel. Qu'il y a en lui une très grande réserve d'énergie, mais qu'il doit toucher cette réserve. Et ce qui l'empêchera de toucher à cette réserve, c'est la crainte. La crainte, c'est totalement inférieur et ça fait partie des notions imposées dans le mental de l'homme par des forces qui agissent à travers son âme pour le maintenir dans la domination. Il n'y a rien de plus dangereux que la crainte. Je parle de la crainte interne, je ne parle pas de l'homme qui utilise la crainte pour se protéger. Je parle de la crainte interne. Il n'y a plus rien de plus dangereux parce que c'est la crainte qui empêche l'homme de réellement connaître ses limites. L'homme n'a pas de limites. Il y en a naturellement, mais il n'y en a pas. Autrement dit, les limites de l'homme sont tellement vastes qu'il peut, à l'intérieur de ses limites, vivre énormément. Et s'il ne suffit pas d'une vie matérielle pour vivre toute sa conscience, il peut la vivre sur un autre plan. Donc l'homme est un être absolument extraordinaire qui est multidimensionnel et qui ne peut pas se permettre, éventuellement, naturellement, qui ne peut pas se permettre de douter qu'il sait, même s'il sait un petit peu. Si le psychologue sait un petit peu et qu'il met ce petit peu qu'il sait de côté pour plaire à l'association, il n'est pas un vrai psychologue. Il n'est pas un scientifique de l'esprit. Il est simplement quelqu'un qui utilise son talent psychologique pour investiguer le comportement de l'homme. Mais il n'est pas un être à part entière, même s'il est au début de ce petit savoir. Un homme qui a un petit savoir doit réaliser que ce petit savoir fructifie s'il ne le met pas de côté. Aucun homme ne peut perdre son savoir. Un homme peut perdre ses idées, il peut perdre ses convictions, parce que le savoir, c'est très puissant. Mais un homme qui a du savoir, qu'il soit petit ou qu'il soit grand comme ceci, ne peut pas le perdre. Et s'il s'empêche de l'utiliser, son savoir, parce qu'il préfère vivre ou demeurer dans les marais de l'incertitude psychologique, à ce moment-là, il n'est pas un vrai psychologue. Il va pouvoir aider, parce qu'il a de la bonne volonté, mais il peut dispenser, mais il ne pourra pas créer une nouvelle psychologie. Il ne pourra pas informer son malade, parce qu'il n'y a pas un malade mental qui est comme l'autre. Il n'y a pas de règles universelles pour la maladie mentale. L'esprit, ce n'est jamais malade. C'est toujours le pouvoir de l'âme à travers l'ego. L'esprit, ce n'est jamais malade. Quand vous êtes fou, vous mourrez, vous arrivez de l'autre bord, vous êtes là. C'est ici. Donc, si le psychologue est capable de créer un lien avec son malade et de parler avec son malade à travers le truchement de ces entités qui sont en lui, que le malade ne réalise pas ou que le malade sait, parce qu'il y a beaucoup de malades qui ne sont pas fous, à ce moment-là, le malade, parce que le psychologue, il est sur place, il travaille là, dans la chambre, le malade, après quelques mois, il reviendra de sa maladie. Mais au lieu d'être un légume, il deviendra un fruit. Est-ce qu'on va vous voir encore en public? Je ne sais pas. Ça dépend du public. Si ça dépend de vous, est-ce que vous voulez revoir Bernard de Montréal? Je voudrais laisser, avant que nous cessions cette conférence, moi je ne peux pas... Je ne peux pas dire à l'homme, croyez-moi, parce que je ne fais pas partie d'un même temps. Je ne fais pas partie d'une même conscience. Je ne fonctionne pas de la même façon que l'homme ancien. Donc, ces formules utilisées dans le passé, pour moi, n'ont pas de sens. Et comme je connais les dangers de la croyance, danger énorme. Je m'évite constamment dans ma vie de demander qu'on me croie. J'aime bien qu'on écoute ce que j'ai à dire, mais je ne demande pas qu'on me croie. Il ne faut pas croire, jamais. On écoute. Et si on sait, comme celui qui sait, il y a une connexion qui se fait. Parce que je parle à l'esprit, je ne parle pas à l'intellect. Mais il y a une chose que je veux laisser dans le public comme étant une condition ultime et absolue en ce qui concerne l'évolution de l'homme, c'est de ne jamais avoir peur. Le moment où l'homme a peur, où il vit de la crainte, il s'assujettit à lui-même. Donc, il ne peut pas se rencontrer. Il ne peut pas entrer en lui-même. Et si j'avais la capacité, si j'avais le droit de donner à l'homme une preuve absolue de ce que je suis ou de ce que je fais, je le ferais pour lui éviter la souffrance qui vient de la crainte et la perte de temps. Donc, si je suis un ami de l'homme et que je parle à l'homme d'une façon différente, parce que je ne fais pas partie d'un même temps. Je souhaite que tous ceux qui m'écoutent, que ce soit directement ou indirectement dans le monde, qu'ils apprennent à ne pas avoir peur, mais qu'ils ne croient pas. Si vous ne croyez pas, c'est dur de comprendre ceci. Il y a des gens qui vont dire, mais oui, mais si on vous écoute, vous dites de ne pas croire, qu'est-ce qu'on fait? Vous n'avez pas besoin de croire pour m'écouter. Quand vous lisez les journaux, vous ne croyez pas tout ce qui est lu, mais vous vous informez des nouvelles. Donc, si l'homme est capable d'apprendre à ne pas croire, c'est une attitude, croire. Si vous me dites quelque chose et que c'est intelligent, je le comprends. Je n'ai pas à m'assujettir ce que vous dites par la croyance. C'est intelligent, je dis, ouais, c'est intelligent, c'est ça. Je le sais. Si je le sais, vous le savez, mais on le sait ensemble, on n'a pas besoin de se croire. Et si l'homme est capable un jour de comprendre ceci, qu'il n'a pas besoin de croire pour comprendre, et qu'il n'a pas besoin d'avoir peur s'il est suffisamment près de lui-même, à ce moment-là, l'homme ira loin dans l'évolution. Mais ce sera la condition. L'homme ne peut pas défaire ce qui a été fait pendant des milliers d'années sans subir le choc de la crainte et le doute que crée la crainte. Mais l'homme peut diminuer le choc que crée la crainte et le doute qui vit en lui. Si quelqu'un dans le monde, quelqu'un qu'il peut aimer ou quelqu'un qu'il peut comprendre ou quelqu'un qu'il peut saisir, lui fait réaliser que c'est extrêmement important pour nous, les hommes de la Terre, de ne pas craindre. Merci beaucoup, Bernard.